Le moindre détail. Ça peut être un clou qui est sur le mur, qui est là, là. Puis il ne devra pas être là, le clou. Mais si tu es inconscient, tu le laisseras, le clou. Mais tout d'un coup, un jour, tu passes, tu s'accroches ton beau linge, tu déchires une robe. Là, tu sautes en maudit. Fait que ma femme a dit, si elle dit, enlève les autres clous qui est là, là, et laisse-moi dire que je l'enlève tout de suite, parce qu'elle parle pas pour rien. T'sais. Fait que si elle dit, enlève les clous de là, je l'enlève, parce que si je l'enlève pas dans trois jours,